ce qu'on rappelle. Les empennes écureuils, belles comme les dires sans pareil. J'en vois, j'ai fini ma repère. J'ai eu la télé, que des dessins animés. À ce terme-là, je vais faire chier. Tant pis, j'en t'aime une autre bière. Tant pis, j'en t'aime une autre bière. Tant pis, j'en t'aime une autre bière. Enfin, je roule, interpellé. Patton, le bac débarque, les potes posent, la douille s'en pose, le chien pine, signe pissé, je t'appelle Intel, on me faire chier, sans pitié, et le taquet, je vois bien c'est vous qui m'avez réveillé, sans pitié, de me taquer, en 15-15, je sens tous motivés, en 15-15, je sens tous motivés, je sais que je suis un bel enfoiré, en toute bonté, on propose une rebier. La neuf commence, la minuit déjà la tête en transe. Oh putain, je crois que j'assure. Viens vite bébé, on grimpe dans la voiture. Ne pas pétard, allons au départ. Histoire de dire je suis pas un crevard. Vive le bédo et vive la parano. Désolé, ma puce grimpera pas plus haut. Je sors de la voiture. Je crois que là c'était très très dur. Elle se casse, ça c'est sûr. Mais juste à côté je trouve